C'est le commentaire hebdomadaire de Tommy Phil Desgagnés. Salut Phil. Bonjour Danny. Phil, l'équipe olympique canadienne a été dévoilée hier en vue des Jeux olympiques de Pyeongchang. Ça te dit quoi, toi? Est-ce que ça va t'intéresser? Ben, oui, on va suivre l'équipe parce que je me dis que la majorité des équipes qui vont être là, les meilleurs joueurs des pays ne seront pas là. Autant du côté des Russes, des Suédois que des Finlandais, les meilleurs joueurs sont tous dans la Ligue nationale de hockey. Oui, il y a probablement des équipes qui vont être mieux nantis parce qu'il y a certains joueurs aux vedettes qui sont peut-être restés dans le KHL puis vont pouvoir peut-être évoluer. Mais ça demeure que l'équipe canadienne a quand même une bonne équipe de joueurs. C'est sûr que ce ne sont pas des joueurs qu'on peut appeler de Ligue nationale de hockey. Ouais. Des joueurs qui sont habitués de jouer un bon système de jeu, bien dirigé, avec de bonnes performances de leur gardien de but. Donc, on va surveiller. Moi, je pense que l'équipe canadienne a des chances d'être dans le tableau des médailles. Je ne vous dis pas qu'ils vont gagner l'or, comme on espérait avant. C'est sûr qu'il y a moins d'intérêt parce que c'est des joueurs un peu moins connus. Il n'y a pas nos joueurs vedettes qui sont là. Mais c'est la même chose de l'autre côté. Mais c'est sûr qu'on a moins d'intérêt à regarder le hockey parce que ce sont des joueurs que les gens ne suivent pas depuis de nombreuses années. Tu sais, Graiani, on l'a vu il y a quelques années, mais on l'a perdu de vue. Maxime Lapierre. Exact. Maxime Lapierre également, la même chose. Donc, moi, j'ai l'impression que l'équipe canadienne va jouer un système de jeu très hermétique pour essayer de gagner des parties 2 à 1 ou 3 à 2. Ça va être la façon de faire, comme ils l'ont fait à la Coupe Spengler pendant la période des fêtes. Donc, oui, on va avoir de l'intérêt, mais pas mal moins que les joueurs de la Ligue nationale, ça, il n'y a aucun doute là. Mais Phil, est-ce que le fait qu'ils jouent sur une grande patinoire, est-ce que ça va les aider pareil? Ils sont habitués de jouer sur une grande patinoire, là. Exact, la majorité joue en Europe déjà. Ouais. Ils sont quand même acclimatés à ce genre de jeu, la grande patinoire. Donc, pour eux, il n'y aura pas beaucoup de changements. La majorité des joueurs, il y a quelques joueurs de la Ligue américaine, peut-être un peu moins, mais les gars comme Lapierre, Noro et les autres qui évoluent déjà en Europe depuis de nombreuses années, ils connaissent la grande patinoire. Donc, ils sont déjà habitués à jouer ce genre de glace-là. Donc, je pense pas que ce soit nécessairement un effet majeur sur le résultat de l'équipe canadienne. Aurais-tu aimé ça avoir... Parce que les gens qui se rappellent de ça, là, c'est... Il faut se rappeler d'Albertville et Lamar, Calgary. C'était ça, là. C'était un tournoi qui semblable à ça. Sauf qu'il y avait quand même quelques espoirs. Je me rappelle que Paul Currier avait joué. Joey Junot avait joué. T'sais, il y avait des espoirs, mais là, ça. Aurais-tu aimé ça, avoir quelques joueurs juniors au travers de ça pour rendre un petit peu plus le challenge? Mais écoute, oui, peut-être. Sauf que je pense qu'ils vont jouer contre des équipes de gars d'expérience. Ouais. C'est sûr que, écoutez, s'il y avait eu un Sidney Crosby au niveau du junior ou un Chet McKinnon... On dit que Rasmus Dahlin pourrait s'aligner pour la Suède, Phil. Oui, donc à ce moment-là, c'est sûr que s'il y avait eu un ou deux joueurs vedettes du côté de l'équipe canadienne, ouais. Comme j'ai fait cette semaine dans le journal Le Quotidien, sur le plan individuel, les Européens, dans la majorité des cas, au niveau du junior, sont peut-être meilleurs. Et quand on parle de concept d'équipe, de concept pour aller gagner un match, l'équipe canadienne était avantageuse. Je pense que c'est un peu ça. Là. Puis deux, ils ont quand même avec Desjardins un coach d'expérience de la Ligue nationale de hockey avec des bons systèmes de jeu. Moi, personnellement, je pense que l'équipe canadienne va tirer son épingle du jeu, mais on va avoir moins d'intérêt. Le côté intérêt qu'on va avoir, c'est de dire, on va prendre l'équipe canadienne et on va espérer qu'elle gagne des médailles. Je pense que c'est ça qui va retenir notre attention, surtout au niveau de l'équipe de hockey canadienne. Mais là, ça va ressembler à la Coupe Spengler. Les gens qui suivent la Coupe Spengler à l'automne, là, c'est sensiblement le même genre d'équipe. Une équipe... Mais Danny, il y a une chose qui est sûre. Ouais. Avant, peut-être qu'il aurait joué en pleine nuit un match les Russes contre le Canada, on se serait peut-être élevé en pleine nuit pour aller le voir. Ouais. Là, avec des joueurs comme ça, on va peut-être attendre le lendemain pour voir un peu les... Mais... Les matchs sont quand même assez une heure quand même respectable. J'ai regardé 7h10 le matin dans la phase préliminaire. Il y a deux matchs sur trois qui vont être à 7h10 le matin et l'autre est à 22h10. Fait que c'est quand même pas si pire là, pour les heures. Là. Effectivement, t'as raison de ce côté-là, mais ouais. On va avoir moins d'intérêt sur Gabriel. Ouais, il y a du... Hey Phil, je veux te parler du Canadien. T'es-tu d'accord avec Régent Tremblay qui disait cette semaine que Marc Bergevin a bien entubé les journalistes, puis c'est tout qu'un vendeur, puis il comprend maintenant pourquoi que Jeff Molson a une confiance aveugle en lui? Il est sûr que Marc Bergevin est un excellent vendeur, ouais. Un communicateur hors pair, puis il est arrivé là préparé là, pour le point de presse. Ben ouais. Il savait quel genre de questions qui s'en venaient, il savait également, puis il avait choisi son moment. Le Canadien venait de gagner un match, il savait qu'il y avait une semaine de congé. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, il savait. Sauf que, je pense qu'en début de saison, il y a une déclaration qui a fait mal à Marc Bergevin. Ah, ça va. La défensive est meilleure que celle que j'avais l'année antérieure. Et là, les résultats sont extrêmement flagrants. C'est pas vrai que le départ de Beaulieu, le départ de Markov et Emelin a fait énormément mal à la défensive du Canadien. Puis, il y a des joueurs où tout le monde était unanime à dire que l'arrivée de Drouin donnerait un deuxième souffle aux Canadiens au niveau de l'attaque, avec Pacioretty, enfin, on va avoir un joueur de centre numéro 1. Et ça, malheureusement, dans le cas de Drouin, il n'a pas donné les résultats. Non. Donc, à ce moment-là, en début d'année, tout le monde était d'accord avec Bergevin sur la transaction. Au moment où on se parle, quand on regarde un peu, on dit « Oh, c'est pas les résultats et il nous déçoit. Oui. » Je pense que tout le monde est unanime là-dessus. Alors que Bergachev, lui, avec la formation de Tampa Bay, jeune défenseur, il joue dans une équipe bien nantie. Comme Drouin, joue sur un deuxième trio avec une équipe bien nantie, il paraissait mieux. Ah oui, ça on paraît mieux. Il semble d'être le centre numéro 1 et d'être l'attraction numéro 1 de l'attaque. Il n'y a pas de Stamkos en avant de lui, puis il n'y a pas d'autres joueurs vedettes. Donc, il doit être à ce niveau-là. Moi, je pense qu'en plus, quand tu as de bons défenseurs, comme le Tampa Bay là, pour sortir la rondelle ben oui. dans l'attaque, c'est toute une différence au monde. Le Canadien n'a pas ce genre de défenseur-là. En plus, les blessures n'ont pas aidé. Le début de saison de Carey Price a été mauvais, mais là, il s'est replacé. C'est tout, c'est fait. Et je pense qu'il les a établis devant la presse. Les journalistes savaient également. Donc, je pense qu'effectivement, Bergevin a bien vendu sa salade et il pouvait difficilement, je pense, les journalistes aller le challenger. À part la déclaration qu'il a fait en début d'année, ils peuvent pas être sur d'autres ben, non. Mais c'est sûr que tu peux. Tu regardes le classement, tu regardes. Puis là, le départ de Markov, le départ de Radulov, ça a fait mal. Fait mal à l'équipe. Ce qui aide un peu Bergevin là-dedans, ouais. Regarde les champions de la Coupe Stanley qui est Pittsburgh, qui connaissent une saison en dedans de scie. Tu vois Ottawa, qui était parmi les équipes favorites, qui était à un but de la grande finale ouais. de l'année passée. C'est la même chose. Donc, il y a plusieurs formations. Il y a 6-7 formations qui étaient là l'an passé dans les séries, qui ne sont pas là au moment où on se parle. Donc, c'est toutes ces choses-là qui ont fait que l'évaluation de Marc Bergevin, elle était peut-être plus facile à faire que s'il y avait eu... c'était à peu près seulement le Canadien qui était là. Moi, l'endroit où je pense que les gens n'ont pas posé de questions que j'aurais aimé qu'ils posent, pourquoi tu as changé d'instructeur avec Michel Therrien l'an passé, ça n'a rien changé. Je regarde les résultats cette année, puis c'est la même maudite affaire encore. Mais c'était le temps, Phil, que moi, l'année passée, l'équipe s'en allait nulle part. L'équipe piquait du nez, c'était facile à voir, là. Ah, mais est-ce que Claude Julien fait mieux? Non. Non, c'est sûr. Non. Puis le système de jeu de Julien ressemble énormément à ce que Michel Therrien faisait ensemble également, comme jeu également. Ouais. Phil, on se reparle vendredi prochain. Merci. Commentaire de demain, Phil.